kunda baboti baye ata kwada mona eva babebi sande mi beko ezali pasi monene moboti ya kunda kamwana na ye mokili tikanga na pokolo mwana na zuwa na pasi mokili tikanga na kolisa mwano yo na bota mwana ça. C'est pas n'importe qui. Hein? Yoko Lokito. Venez danser la danse des boudeurs avec le grand Marcos. Le plus fort.